Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses, bruyantes et variées, enfin bref. La panoplie, vous la connaissez maintenant. Alors, petite nouveauté cette semaine. Bah, c'est une nouveauté. C'est quoi? C'est justement, on va parler de nouveautés. Vous êtes peut-être rendu compte que depuis très longtemps, en fait, la thématique était de passer essentiellement des choses plutôt anciennes, avec des thèmes à chaque fois particuliers. Donc là, l'idée, ça va être ben, de justement de vous faire profiter et partager en fait toutes les nouveautés qui me sont tombées entre les oreilles ces derniers temps, avec vraiment plein de choses. Alors ça va être un spectre assez large, hein, ça peut aller de la pop jusqu'au truc très très très très très bruitiste. Et on va commencer avec une petite série là où on va avoir Modern Color, Be Well. Wizard, qui est un groupe de Bordeaux qui est vraiment plutôt pas mal, et enfin Arabrot, un groupe que vous aurez l'occasion de voir ailleurs à Faveur de Printemps. Et c'est parti! I don't wanna. good. Please help me forget. Please help me forget. Yeah. On continue dans une nouveauté avec des choses un peu plus électroniques. Donc on va avoir Eternal Dust, Glare, Cabell. Et puis après on revient là pour les deux derniers morceaux de cette séquence sur du un peu plus rock'n'roll avec de casquettes loterie. Et puis surtout le retour des Cro-Mags, groupe mythique de la scène new-yorkaise, un peu hardcore. C'est parti. Thank you. There's no Alors, on vient d'avoir les Chromags avec ce morceau No Sympathy et on continue alors vraiment avec des. Alors là, une nouveauté qui m'a fait extraordinairement plaisir, c'est le grand retour des Burning Heads que l'on va enchaîner par la suite avec un groupe très sympa qui s'appelle The Chats. Le retour aussi de Ministry, ce magnifique groupe un peu, on va dire, industriel. Et on aura après Outre Noir et Mono. Thunderbolts run through the sky. Stop by. Lightning. Doesn't matter if I die. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Lost in Space, notre émission qui s'appelle Des nouvelles du front sur les nouveautés qui sont passées. Là, on va voir un groupe français qui s'appelle Mozy, qui chante Alaska. Alors, je suis un peu... Je sais pas trop quoi en penser, en fait, si c'est vraiment bien ou pas. Donc, je vous laisse écouter. Par contre, après, on a un autre groupe français qui vient de Clermont-Ferrand, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Night Watchers, et ça, c'est vraiment, vraiment bien. On aura aussi quelque chose de très calme, Nicole Marxen, puis les Moving Targets, et enfin, pour finir cette petite série, un autre groupe de Bordeaux, un peu tout bizarre, bricolé, mais bien catchy, ça s'appelle Cheap Teen. Nous regarde suspendu comme des imbéciles. Thank you. Not fair. God's sake. Oh, the four boys in the lake. The queen, the queen, the queen. Donc avec les Bordelais de Chiptune qu'on va écouter maintenant, ça me permet de nous faire une peut-être belle transition avec l'un des albums les plus attendus de ces dernières semaines. C'est des New Yorkais qui s'appellent Bodega, alors ça fait un nom un peu espagnol. Et on est vraiment dans le truc très à la mode sur le post-punk qui revient de partout. Et c'est vraiment pas mal. Tout l'album est dans le même genre. On continuera ensuite avec Courtney and the Wolves. Puis après, un groupe de Besançon, si ma mémoire est bonne, s'appelle Jack and the Bearded Fisherman. On aura Opium Dream Estate. Et pour finir cette petite série, les Horrors qui s'écrivent H-O-99-O-9. Vraiment, un des groupes les plus marquants aussi de ces dernières années qui mélange hip-hop, presque métal, et vraiment c'est pas mal, ça vous fera une petite idée. Allez, go! But someone tell you about the poison and the rain. If you need someone to show you how it darkened the hearts of men. One night the thunder rumbled in the distance and the haze. The insects crawled in circles and started to shake. The ghost and the fear and the silence and the noise. We locked ourselves in our slums and trembled behind the door. Then the sky tore apart, rolled the guilt and the shame. Restrained poison, and then came down the rain. Oh, the rain. Thank you. Après les horreurs, on va calmer un peu le jeu avec retour encore en France avec un des nouveaux groupes. Il y en a vraiment pas mal en fait en ce moment qui font des trucs sympas. Là, c'est un peu plus pop. Ça s'appelle Dragon Rapide. On aura ensuite Perish, qui ressemblerait plutôt à, on va dire un peu à du grunge revisité. Cannibal, ensuite la dernière version, la dernière chose à la mode de chez. De chez Born Bad, dont je suis pas spécialement grand fan. Phobos, ensuite, alors là, plutôt industriel. Et enfin, un petit groupe de jeunes filles qui s'appelle Wet Leg, avec des paroles très rigolotes. Et le morceau, c'est Oh No. Hey, okay. So sad and so Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space, notre émission Dernière Nouvelle du Front avec les nouveautés et encore la scène française à l'honneur avec là les Holy Fake News qui me semblent bien évidemment aussi venir de Bordeaux. En fait, il y a plein de Bordelais en ce moment. On aura juste après des locaux. Potochkin, que vous connaissez tous, on avait eu Hugo, le chanteur, qui nous avait rejoint pendant quelques temps à la radio. Donc là, c'est tiré de leur album remix un peu électro de leur dernier album. On aura un groupe qui s'appelle Devers, ensuite comme Patrick Devers, Perfect World, et on finit par quelque chose d'un peu plus électro-bizarre, s'appelle Pop 1280. Y avait que toi. Je te donne mon avis. Cette première partie de l'émission consacrée donc aux nouveautés, on va avoir encore une nouvelle série qui attaque avec le tout dernier clip et tout dernier morceau des Fontaines d'ici qui s'appelle Skintifia. Fontaines d'ici que vous allez pouvoir voir un peu de partout en France. Je crois même que moi je vais aller les voir en fin d'été à Rock en Seine à Paris. On aura Pleine Lune ensuite. Donc ça c'est très pop, très calme, vous allez voir. Joe Box. Alors Joe Box c'est pas forcément une nouveauté parce que c'est un groupe qui... commencer en première partie de Fugazi, donc ça c'est vraiment pour les vieux en fait. Mais vous allez voir pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on passe Joe Box ce soir dans le truc nouveauté? Tout simplement parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps un album live à Chicago enregistré en 2019 qui est vraiment bien enregistré, donc vous allez voir plutôt bien. Et on finira avec deux groupes, Pressed le premier et Soul Blind le deuxième, qui ressemble vraiment à une ressucée ou une réincarnation de Nirvana, et ce qui nous permettra en fait de finir cette première partie sur les nouveautés avant de se lancer sur la suite du programme. Thank you. Thank you. you guys.